الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى في دراسة فقه أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. وقد توقفنا على أسماء الله سبحانه وتعالى القدير القادر والمقتدر، la semaine passée nous avons étudié les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala al-haq al-mubin al-qadir al-qadir et enfin al-muqtadir. Il me semble qu'il nous restait une page en rapport avec les trois derniers noms. Donc nous allons compléter ce passage, puis lire l'explication du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Wadud. Il manquait un passage, c'est ça? قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آثاره تكميل الصبر وتتميمه وحسن الرضا عن الله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. Parmi les effets de la croyance au nom d'Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, donc ces noms qui font référence à la pleine capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit parfaitement omnipotent. Parmi les effets de la croyance en ces noms sur le croyant, le fait qu'il complète son endurance, qu'il renforce son endurance et sa patience, il se trouve satisfait, il se voit satisfait de tout ce qu'Allah Azza wa Jal décrète, il se voit satisfait, il agrée son Seigneur et tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin nous dit: celui qui remplit son cœur de l'agrément du décret d'Allah, Allah remplira son cœur de suffisance, de sécurité. Et il videra son cœur afin qu'il se décharge dans son amour, le retour vers lui, le fait de compter que sur lui. Celui qui perd sa part de l'agrément et celui qui perd la part d'agrément, Allah Azza wa Jal remplira son cœur de tout ce qui contredit les mentions précédées ou précédemment citées. Ainsi, il sera occupé et il mettra son temps dans ce qui lui fera rater le bonheur et la réussite. وَمِنْ آثَارِهِ سَلَامَةُ الْإِنسَانِ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ كَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَنَحْوِهِمَا. Parmi les effets de la croyance en ces noms, le fait que l'homme se voit préservé des maladies du cœur. Des maladies du cœur telles que la haine, la jalousie, l'envie et les maladies semblables. لِإِمَانِهِ أَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَالَّذِي أَعْطَى الْعِبَادِ وَقَدَّرَ لَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ وَأَعْطَى مَنْ شَاءَ وَمَنَعَ مَنْ شَاءَ فَالْفَضْلُ فَضْلُ سُبْحَانَهُ وَالْعَطَاءُ عَطَاؤُهُ ولهذا يقال عن الحاسد إنه عدو نعمة الله على عباده. Donc celui qui a foi en ces attributs d'Allah Azza wa Jal, et le fait qu'Allah ait tout décrété et que tout a été prédestiné, il sera apaisé, il sera tranquillisé. Son cœur ne sera pas sujet aux maladies comme la jalousie, la haine et l'envie. Car il saura que le don est le don d'Allah. Le don est le don d'Allah. C'est Allah qui donne à ses serviteurs. Il choisit qui il veut et il leur donne. Il choisit qui il veut et il retient. C'est lui qui a décrété la part de chacun dans sa subsistance. Il donne à qui il veut. Il prive qui il veut. La grâce est la grâce d'Allah. Le bienfait est le bienfait d'Allah. Le don est le don d'Allah. C'est pour cela qu'il fut dit au sujet du jaloux, de l'envieux. Il est l'ennemi du bienfait d'Allah sur ses serviteurs. Le jaloux, l'envieux, a un manque de croyance au décret d'Allah. C'est Allah qui a partagé la subsistance de chacun. C'est Allah qui accorde à chacun qui prive qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc le jaloux, l'envieux, lorsqu'il se fait ennemi du bienfait qu'Allah t'a donné, en réalité, il va à l'encontre de ce qu'Allah a décrété. Il n'est pas satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il fut surnommé l'ennemi du bienfait d'Allah sur ses serviteurs. وَمِنْ آثَارِهِ تَقْوِيَةُ عَزِيمَةِ الْعَبْدِ وَإِرَادَتِي فِي الْحِرْسِ عَلَى الْخَيْرِ وَطَلَبِهِ وَالْبُعْدِ. Parmi les effets de la croyance en ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que ça renforce sa détermination. La détermination du serviteur se fait plus grande, plus forte. Il se voit plus motivé, déterminé dans la recherche du bien et sa demande. Tout comme il s'éloigne du mal et le fuit. والبعد عن الشر والهرب منه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيء تفتح عمل الشيطان. Et dans le recueil de l'imam muslim, on trouve le hadith d'Abi Hurayra radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sois déterminé dans ce qui t'est profitable. Sois déterminé dans la recherche de ce qui t'est profitable. Et recherche l'aide auprès d'Allah. Et ne te décourage pas. Si par la suite une chose t'arrive, c'est-à-dire tu n'arrives pas à atteindre le but recherché à la base, s'il t'arrive un malheur, s'il t'arrive une chose, si tu n'arrives pas à atteindre ton but, ne dis pas si j'avais fait ceci, il se serait produit ceci et cela. Mais dis plutôt, voici le décret d'Allah. Voici le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car certes, le fait de dire si ceci, si cela, ouvre la porte du shaitan. Ouvre la porte au shaitan. Celui qui recherche un bien, il doit faire les causes. Et il doit s'aider d'Allah. Il ne doit pas compter sur les causes, mais il les fait. Puis il compte sur Allah subhanahu wa ta'ala et abandonne son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala en ayant une bonne opinion d'Allah. Si par la suite, il n'arrive pas au résultat qu'il recherchait à la base, il dit ceci est le décret d'Allah et Allah fait ce qu'il veut. Il dit ceci est le décret d'Allah et Allah fait ce qu'il veut. Il ne dit pas si j'avais fait cela, si j'avais fait ceci, parce que ça ouvre la porte au diable. Ça ouvre la porte de la tristesse. Ça ouvre la porte au diable. Et le musulman, il referme cela. وَمِنْ آثَارِ حُسْنُ رَجَاءِ اللَّهِ وَدَوَمُ سُؤَالِهِ وَالْإِكْثَارُ مِنْ دُعَائِهِ لِأَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِهِ. Parmi les nobles effets de la croyance en ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'espérer en Allah et le fait de constamment lui demander, de toujours faire le dua, de toujours porter nos demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait qu'Allah est omnipotent, qu'il est parfaitement capable, ben il va toujours faire le dua et il va toujours espérer auprès d'Allah azza wa jal le bien, car toute l'affaire est dans la main d'Allah. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala rapporte dans le kitab al-Zuhd عن مطرف بن عبد الله بن شخير قال رحمه الله تذكرت ما جماع الخير. مطرف ابن عبد الله بن شخير c'est un des plus prédécesseurs qui a de nombreuses belles paroles. Il dit: je me suis rappelé, j'ai réfléchi sur le meilleur bien, sur la meilleure adoration, sur le bien rassemblant le plus de choses positives. فَإِذَا الْخَيْرُ كَثِيرٌ. Après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que le bien, c'est vaste et que ses formes sont multiples. الصوم, الصلاة, il y a par exemple le jeûne, il y a par exemple la prière. فَإِذَا هُوَ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et je me suis rendu compte que pour réussir à prier, pour réussir à jeûner et ainsi de suite, tout cela, toute la réussite, se trouve dans la main d'Allah. Toute la réussite se trouve dans la main d'Allah. وَإِذَا أَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى مَا فِي يَدِ اللَّهِ. Et toi, tu n'as pas la capacité de prendre directement ce qu'il y a dans la main d'Allah. إِلَّا أَنْ تَسْأَلَهُ فَيُعْتِيَكَ. Ton seul recours est de lui demander et lui te l'accorde. فَإِذَا جِمَعُ الْخَيْرِ الدُّعَى. Je suis arrivé au bilan que le bien qui réunit, c'est tout cela, c'est ad-du'a, c'est la demande. Les portes des adorations sont multiples. Mais pour réussir à faire une adoration, il faut qu'Allah t'assiste, t'aide, t'accorde la réussite. Comment obtenir cela? En lui demandant. En lui demandant. Wa kana man min akthari du'a'ihi من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Et parmi les invocations que faisait le plus souvent le prophète صلى الله عليه وسلم, ô toi, ou bien ô Allah, toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم, إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. إمام الترمذي بن ماجة رابورت سلو أنس رضي الله عنه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait très souvent: ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Je lui ai donc dit: ô messager d'Allah, nous avons eu foi en toi et en ce avec quoi tu nous es venu. Est-ce que tu as peur pour nous? Est-ce que tu crains pour nous? Il répondit: oui. Certes, les cœurs sont entre deux doigts de la main d'Allah. Il les tourne comme il veut. Il les tourne comme il veut. Ainsi, celui qui sait qu'Allah est ala kulli shay'in qadir, celui qui sait qu'Allah est parfaitement omnipotent, et il a la pleine capacité, il fera beaucoup de dua. Tout ce que tu recherches, c'est auprès d'Allah. Et Allah est parfaitement capable. Ainsi, demande-lui tout ce que tu recherches. Passons maintenant au nom d'Allah, Al-Wadud. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى الودود. Parmi les nobles noms d'Allah Azza wa Jalla, il y a Al-Wadud, qu'on pourrait traduire par l'affectueux, celui qui est aimé par ses serviteurs et celui qui aime ses serviteurs, pieux, croyant. وقد ورد في القرآن مرتين الأولى في قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود والثانية في قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Ce nom d'Allah, Al-Wadud, a été mentionné dans deux passages du Coran. Le premier dans sourate Hud: et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui, mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Deuxièmement dans sourate Al-Buruj, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ces versets: c'est lui certes qui commence et la refait, commence la création et la refait, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. C'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Wa ma'nahu, quant au sens de ce nom d'Allah, El Wadud, أي الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلأت قلوبهم محبة له. Quant au sens du nom d'Allah, El Wadud, c'est-à-dire celui qui aime ses prophètes, ses messagers et ceux qui les suivent. El Wadud est celui qui aime les prophètes, les messagers et ceux qui les suivent. Et eux l'aiment et eux aiment Allah. Il est le plus aimé auprès d'eux. Ils aiment Allah plus que toute chose. Et leurs cœurs sont remplis d'amour pour lui. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا الاسم ودلالاته الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى nous dit dans un passage magnifique dans lequel il explique le nom d'Allah El Wadud et ce qui découle de ses sens El Wadud أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجليلة فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبه. الشيخ العلامة المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله ندي الودود c'est-à-dire celui qui se fait aimer de ses serviteurs, celui qui se fait aimer de ses créatures de par la beauté de ses attributs. Allahu Akbar. Celui qui se fait aimer de ses serviteurs de par la perfection de ses attributs, de par la beauté de ses attributs, de par la multitude de ses bienfaits. El Wadud, celui qui se fait aimer de ses serviteurs de par la beauté de ses attributs, de par la vasteté de ses bienfaits, de ses dons. De par ce qu'il donne, ses bienfaits, ce qu'il donne au grand jour, tant ce qu'il donne, ou bien ce qui est caché, ce qui est apparent, ou plutôt ce qui est apparent, ce qui est caché. فهو الودود بمعنى الواد. C'est الودود dans le sens celui qui aime. Et aussi dans le sens, celui qui est aimé. Donc, le nom d'Allah, El Wadud, renferme ces deux sens-là. Le premier, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers certaines créatures, pour certaines créatures. Le deuxième sens, c'est l'amour des créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime certaines créatures, et les créatures aiment Allah. Voici le nom d'Allah, le sens du nom d'Allah, El Wadud. Il aime ceux qui sont proches de lui, ses rapprochés. Ceux qui sont pieux, ceux qui ont la foi et ceux qui sont pieux. Et ses serviteurs l'aiment également. C'est celui, El Wadud, c'est celui qui a aimé ses serviteurs et a mis dans leur cœur l'amour. Et lorsqu'ils l'ont aimé, Allah Azza wa Jal les a lui aimés, à titre de rétribution pour leur amour, l'amour qu'ils lui ont porté. فَالْفَضْلُ كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ. Ainsi, la grâce, le mérite tout entier revient à Allah. Fa huwa alladhi wada'a kulla sababin yatawaddaduhum bih. Tout le mérite revient à Allah, toute la grâce tout entière revient à Allah. Pourquoi? Parce que c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a mis chaque cause pour qu'on puisse nous l'aimer. Par exemple, on aime Allah parce qu'il est parfait. Ben c'est Allah qui s'est fait connaître à nous à travers la révélation. C'est lui qui nous a enseigné ses noms, c'est lui qui nous a enseigné ses attributs. Une autre cause de l'amour qu'on porte à Allah, c'est les bienfaits qu'il nous a donnés. Donc c'est Allah qui nous a donné les causes pour qu'on puisse l'aimer. C'est lui qui par ses causes a fait pencher leur cœur vers son amour, a tiré leur cœur vers son amour, son affection. تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a comblé de par l'amour qu'on lui porte. Car les causes de l'amour qu'on porte à Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui nous les a données. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous les a données. De par la mention dans la révélation de ses nobles attributs. Ses attributs incommensurables. Ses attributs sublimes et magnifiques. Cette connaissance qu'a le serviteur de son Seigneur, à travers cette beauté, cette grandeur, cette perfection, fera pencher les cœurs saints, les cœurs droits vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes, les cœurs, les âmes authentiques, dans le sens normal, penchent naturellement vers celui qui leur fait du bien. Penchent naturellement, pardon, vers celui qui a la perfection. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a la perfection absolue. Et il s'est fait connaître à lui, à nous, à travers la révélation, en nous mentionnant ses noms et ses attributs. Quand le serviteur lit les noms d'Allah, les attributs d'Allah, il découvre de sa perfection. Ainsi, son cœur penche vers Allah, penche vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout naturellement, le cœur et l'âme du serviteur penchent vers celui qui est parfait. Et Allah Azza wa Jal est celui qui a la perfection absolue. Wallahu ta'ala lahu al-kamal al-tam al-mutlaq. Fa kullu wasfin min sifati lahu khasiyyatun fi al-ubudiyyati wa indhab al-qulubi ila mawlaha thumma tawaddada lahum bi ala'ihi wa ni'amihi al-'azimati allati biha awjadahum wa biha abqahum wa ahyaahum wa biha aslahahum wa biha atamma lahum al-umur wa biha kammala lahum ad-daruriyyat wal hajat wal kamaliyat wal kamaliyat wa biha hadahum lil iman wal islam wa biha hadahum li haqa'iq al ihsan wa biha yassara lahum al-umur wa biha farraja 'anhum al-kurubat وأزال المشقات وبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفع عنهم الحرج وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله وبها يسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرا وبها دفع عنهم المكاره والمضر كما جلب لهم المنافع والمسار وبها لطف بهم وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم لا حول ولا قوة إلا بالله. On nous dit ici, et Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah le très haut a la perfection absolue, la perfection complète. Tout attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nous appelle à une servitude propre. Chaque attribut qu'Allah Azza wa Jal possède doit nous pousser, nous serviteurs d'Allah Azza wa Jal, à une adoration particulière, à une servitude particulière. et doit faire pencher notre cœur vers notre maître Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque attribut qu'Allah possède doit faire pencher ton cœur vers l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une autre cause, Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait aimer auprès de ses serviteurs par ses nombreux bienfaits qu'il leur a octroyés, par ses immenses bienfaits qu'il leur a donnés. Par ce bienfait, Allah Azza wa Jal les a créés à partir de rien. Il les a fait exister à partir du néant. Par ses bienfaits, il leur a donné ou il les a fait rester, il les a maintenus. Par ses bienfaits, il leur a donné la vie. Par ses bienfaits, il les a réformés. Par ses bienfaits, il a complété leurs affaires et leur a facilité. Par ses bienfaits, il leur a donné leurs besoins, ceux dont ils ont besoin pour vivre et ceux qui viennent parfaire leur existence dans ce bas monde. Par son bienfait, il les a guidés à la foi et à l'islam. Par son bienfait, il les a guidés à la réalité de l'excellence. Par ses bienfaits, il leur a facilité leurs affaires. Il les délivre de l'affliction, de la difficulté. Il dissipe le mal. Par ses bienfaits, il a légiféré pour eux les législations. Il leur a accordé une législation facile et a repoussé toute difficulté de sa législation. Par ses bienfaits, il les a guidés au chemin droit, aux bonnes actions, aux bonnes paroles. Par ses bienfaits, il leur a facilité le fait d'emprunter le bon chemin. Il les a aidés pour cela, de par ce qu'il leur a légiféré, ce qu'il a décrété. Par ses bienfaits, il a repoussé d'eux les nuisances, tout comme il leur a accordé ce qui leur est utile et leur procure joie et contentement. Par ses bienfaits, il s'est montré doux envers eux. Et de tout ce qu'on vient de mentionner, les serviteurs en ont témoigné une partie. Et ce qui leur est caché est bien plus immense. Tous les bienfaits que nous a mentionnés ici à Cheikh, il finit en disant, et les serviteurs en ont vu une partie de ces bienfaits. Et ce que les serviteurs ignorent comme bienfaits d'Allah est bien plus immense et bien plus nombreux. فَجَمِعُ مَا فِي الْخَلِيقَةِ مِنْ مَحْبُوبَاتِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ وَالْأَبْدَانِ الدَّاخِلِيَةِ وَالْخَارِجِيَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَإِنَّا مِنْ كَرَمِهِ وَجُودِهِ يَتَوَدَّدُ بِهَا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ الْقُلُوبَ مَجْبُولَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُحْسِنِ إِلَيْهَا فَأَيُّ إِحْسَانٍ أَعْظَمْ مِنْ هَذَا الْإِحْسَانِ الَّذِي يَعْتَذِرُ إِحْصَاءُ أَجْنَاسِهِ يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه وفضلا عن أفراده وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تملئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. Dans le chapitre précédent, l'auteur nous a parlé d'une cause précise qui pousse à l'amour d'Allah. C'est la perfection d'Allah, dans ses noms, dans ses attributs. Dans ce chapitre, il nous parle d'une autre cause, qui est les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Il nous dit, hafidhahullah ta'ala, tout ce qu'il y a dans l'univers. Parmi les choses que tu aimes, parmi les choses plaisantes à ton cœur et à ton âme, parmi les bienfaits intérieurs et extérieurs, parmi les bienfaits apparents et cachés, tous les bienfaits de l'univers, tout ce que ton cœur aime, tout ce que ton âme aime, tous les bienfaits apparents et cachés, intérieurs et extérieurs, font partie de la générosité d'Allah. Font partie, ou bien te sont parvenus de par la générosité d'Allah. Et Allah se fait aimer de toi en te les octroyant. Allahu Akbar. Réfléchissez, ikhwan al-kiram, à tout ce que vous aimez parmi les choses de ce bas monde. Réfléchissez à ce que vous aimez le plus. Si on demande à la personne qui tu aimes le plus, il va dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui te l'a envoyé, c'est Allah qui lui a révélé, c'est Allah qui l'a éduqué. Ainsi ton cœur va pencher vers qui? Il va pencher vers Allah azza wa jalla, celui qui t'a donné le meilleur des prophètes. Tu lui dis qui tu aimes? Quelle est la personne que tu aimes le plus? Il va dire ensuite ma mère. On lui dit c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui lui a permis de te porter, de t'allaiter, de s'occuper de toi, de t'éduquer, de te protéger, de t'enseigner, de te corriger, et ainsi de suite. Tout bienfait que tu as pu témoigner de ta mère, qui t'a poussé à avoir cet amour pour elle, qui n'est pas comparable avec l'amour que tu pourrais porter à une autre personne. Mais en méditant, tu te dis, c'est Allah qui m'a donné cette mère-là. Ensuite, tu aimes qui? Tu vas dire, mon enfant. Tu te rappelles que Al-Wahhab, c'est Allah. Yahabu liman yasha ou inata, wa yahabu liman yasha ou dhukur. Il fait don de fils à qui il veut. Il fait don de fille à qui il veut. Donc Al-Wahhab, c'est Allah. Ainsi, ton amour, en voyant tes enfants, augmentera pour Allah Azza wa Jal, le grand donateur. Tu aimes l'argent. À chaque fois que tu as l'entrée d'argent, tu te rappelles que le donateur, c'est Allah Azza wa Jal. Ainsi, ton amour pour Allah augmentera. Et c'est ainsi pour chaque bienfait. Et combien sont nombreux les bienfaits d'Allah Azza wa Jal? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et dans le Coran, on nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, et si vous essayez de dénumérer, de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Donc tous ces bienfaits qu'Allah nous donne, il se fait aimer auprès de nous avec. Et Allah Azza wa Jal a nullement besoin qu'on l'aime. Mais c'est un bienfait de par sa générosité, de par sa bonté, et parce que c'est Al-Wadud, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous a aplani ses causes, nous les a facilitées, tabaraka wa ta'ala. فَإِنَّ الْقُلُوبَ مَجْبُولَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُحْسِنِ إِلَيْهَا. Et certes, les cœurs penchent tout naturellement vers ceux qui sont bienfaisants envers eux. Le cœur penche vers celui qui lui fait du bien. Le cœur penche vers celui qui lui fait du bien. Ainsi, ton cœur doit pencher au maximum vers Allah Azza wa Jal, parce qu'il n'y a pas un bien que tu puisses imaginer, que tu as reçu étant petit, étant enfant, étant adulte, même avant ta création, et même avant ta venue sur la surface de la terre, sans que cela ne te provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ton amour pour Allah doit être incommensurable. Il doit évoluer, il doit être développé, il doit grandir, il ne doit cesser de se développer. Pourquoi? Kulla yawmin huwa fi sha'n. Parce que chaque jour Allah fait, chaque jour Allah te donne, chaque jour Allah te guide, chaque jour Allah t'accorde, chaque jour Allah te protège, il repousse de toi un mal, il t'accorde du bien. Et ces bienfaits-là, ils sont indénombrables. Ainsi, l'amour que tu portes à Allah, il est sans limite. L'amour que tu portes à Allah, il est sans limite. Les bases de l'adoration, ou les piliers de chaque adoration, les piliers du cœur sont nombre de trois. Mahabbatullah. Al-khawfu min Allah. Wal-raja'u. L'amour d'Allah. La peur d'Allah. Et l'espoir en Allah. Chaque adoration que tu fais doit reposer sur ces trois bases. Pourquoi tu pries? Tu pries par amour d'Allah. Pourquoi tu pries? Parce que tu as peur d'Allah. Pourquoi tu pries? Parce que tu espères la récompense chez Allah. Pourquoi tu jeûnes? Parce que tu aimes Allah. Pourquoi tu jeûnes? Parce que tu as peur de la punition d'Allah. Pourquoi tu jeûnes? Parce que tu espères la récompense chez Allah. Et c'est ainsi pour toutes les adorations. Celui qui exagère dans la peur tombera dans le désespoir, et c'est haram, c'est un grand péché. وَمَا يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّ إِلَّا الضَّالُّونَ. Celui qui exagère dans l'espoir tombera dans quel péché? أَلْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Le fait de se sentir à l'abri du stratège d'Allah, du stratagème d'Allah. Donc, l'amour et l'espoir, on les développe, mais sont-elles les ailes d'un oiseau? Et il faut les deux. Puis lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah aura concrétisé leurs espoirs. Et on va sacrifier la mort On leur dira de vivre et de ne plus jamais mourir. Ainsi, il n'y aura plus de peur. Tout ce qu'ils espéraient, on va leur donner plus encore. Et tout ce qu'ils redoutaient, on va les préserver. Et ensuite, on va sacrifier la mort. Ils n'auront plus peur. Mais il restera quoi ? L'amour. L'amour ne part jamais. L'amour ne doit jamais diminuer. Il reste même au paradis. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le socle de la religion. C'est l'âme de chaque adoration. C'est ce qui permet aux croyants de vivre dans un paradis, dans ce bas monde, avant de mettre son pied dans le paradis de l'au-delà. L'amour d'Allah, pour cette adoration-là, le musulman, il est dans un paradis sur terre, avant d'entrer dans le paradis de l'au-delà. L'amour d'Allah, c'est l'adoration, c'est le nectar de l'adoration. Sans l'amour, il n'y a pas de bonheur dans ce bas monde. Et l'amour d'Allah Azza wa Jal est l'âme de ce bonheur. Ainsi, le cœur penche tout naturellement vers celui qui lui donne les bienfaits. Et quelle bienfaisance est plus immense, plus grande que ce bienfait dont les mots nous manquent pour pouvoir correctement le définir, pour pouvoir correctement, dont la science nous manque pour pouvoir correctement l'énumérer. Nous n'avons pas la capacité d'énumérer les différentes catégories de bienfaits qu'Allah nous a donnés. Comment alors on pourrait réussir à énumérer les bienfaits un par un? Si on tentait de classifier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal en différentes branches, on échouerait. En différentes catégories, on échouerait. Alors de les énumérer un par un, c'est tout simplement impossible. Ils sont indénombrables. Et chacun de ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donné aux serviteurs d'Allah requiert de ta part que tu augmentes ton amour pour lui. Chacun des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donné requiert de ta part que tu développes l'amour dans ton cœur pour Allah Azza wa Jal, le grand donateur. Tu dois augmenter ton amour pour lui, ton affection pour lui, mais aussi ta reconnaissance, mais aussi les éloges que tu lui fais et que tu lui adresses. وَمِنْ تَوَدُّدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَنَّ الْعَبْدِ Écoutez bien. أَنَّ الْعَبْدَ يُشَرِّدُ عَنْهُ فَيَتَجَرَّأُ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ وَيُقَصِّرُ فِي الْوَاجِبَاتِ وَاللَّهُ يَسْتُرُهُ وَيَحْلُمُ عَنْهُ وَيَمُدُّهُ بِالنِّعَمِ وَيَقْطَعُ عَنْهُ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالتَّذْكِيرَاتِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْإِرْشَادَاتِ مَا يَجْلِبُهُ إِلَيْهِ فَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَيُنِيبُ فَيَغْفِرُ لَهُ تِلْكَ الْجَرَائِمَ وَيَمْحُو عَنْهُ مَا أَسْلَفَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعَظَائِمِ وَيُعِيدُ عَلَيْهِ وِدَّهُ وَحُبَّهُ وَلَعَلَّ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ سِرُّ اقْتِرَانِ الْوَدُودِ بِالْغَفُورِ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Ce passage est un des plus beaux passages du livre tout entier. Subhanallah al-Azim. Et on remercie Allah Azza wa Jal, celui par la grâce duquel on s'assoit dans l'endroit le plus aimé d'Allah, la mosquée, pour étudier la science la plus aimée d'Allah, la croyance, et pour étudier la partie dans la aqidah la plus aimée d'Allah, l'étude de la connaissance d'Allah. Pour étudier dans l'étude de la connaissance d'Allah, la partie la plus aimée chez Allah, ses noms et ses attributs. L'auteur nous dit, Hafidhahullah Ta'ala, parmi les causes qu'Allah nous donne, qui nous pousse à l'aimer, il y a le fait que le serviteur fuit son maître. Le serviteur fuit Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'éloigne de lui. Et il a le culot de lui désobéir. Il a le culot de délaisser son obéissance. Et malgré tout cela, Allah couvre ses fautes. Et Allah se montre indulgent envers lui. Il ne le châtie pas directement. Il lui donne du répit. Plus encore, il lui octroie de ses bienfaits alors que lui le fuit, lui désobéit et n'accomplit pas ce qu'il lui a rendu obligatoire. Malgré tout cela, Allah lui donne de ses bienfaits et il ne le prive pas de sa bienfaisance. Il ne le prive pas de ses bienfaits. Bien au contraire, après tout cela, il lui facilite sur son chemin des causes pour qu'il se rappelle d'Allah, des exhortations, des orientations, tout cela pour faire revenir son serviteur vers son maître Allah Azza wa Jalla. Puis, il le guide au repentir. Ainsi son serviteur se repent à Allah. Ainsi son serviteur se repent à lui. Il revient vers lui, il regrette. Il lui obéit. Alors Allah lui pardonne ses péchés. Allah lui pardonne ses crimes. Et il lui efface tout ce qui est passé comme grave péché. Et il lui redonne même l'amour qu'il avait pour lui lorsqu'il était pieux. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا أَعْظَمَ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَعْظَمَ وُدَّهُ. Oh comme est immense le Seigneur qu'on adore, et oh comme est grande l'amour, et oh comme est grand l'amour qu'Allah Azza wa Jal donne à ses serviteurs. Et oh comme sont grandes et multiples les causes qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées pour qu'on l'aime. Méditez ce passage. L'auteur nous dit, le serviteur se sauve de son maître. Il lui désobéit. Il commet les fautes et les péchés. Allah lui a ordonné telle chose et lui il ne fait pas telle chose. Il n'obéit pas à Allah Azza wa Jal. Malgré tout cela, Allah lui couvre ses fautes. Il lui couvre ses péchés. Il se montre indulgent envers lui. Il ne lui coupe pas les bienfaits. Il lui donne. Il lui en ajoute. Et après tout cela, malgré tout cela, il va lui faciliter des causes pour que son serviteur revienne vers son maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui mettre sur son chemin des rappels. Il va lui mettre sur son chemin des exhortations. Il va lui mettre sur son chemin des orientations. Tout cela pour faire revenir ce pauvre serviteur vers son maître. Ainsi le serviteur va se repentir. Ainsi le serviteur va revenir vers Allah Azza wa Jal, son maître. Et Allah lui pardonnera ses péchés graves. Allah lui pardonnera ses nombreuses fautes. Allah lui effacera tout ce qui est passé comme péché grave. Ainsi, il lui redonnera son amour et son affection. Écoutez ce que nous dit ensuite l'auteur. Et probablement, et Allah est le plus savant, le secret d'avoir juxtaposé le nom d'Allah El Wadud au nom d'Allah El Ghafur est ce qu'on vient de mentionner là. C'est-à-dire, pourquoi Allah Azza wa Jal a mis à côté du nom d'Allah El Ghafur El Wadud? Pourquoi il les a cités ensemble? Le grand pardonneur et l'aimant, celui qui est aimé. Pourquoi on les a cités ensemble ces deux noms? Parce que le serviteur fait des péchés, il s'éloigne d'Allah, donc de l'amour d'Allah. Mais Allah Azza wa Jal, comme c'est le Wadud, celui qui se fait aimer de ce serviteur, celui qui donne les causes au serviteur pour qu'il aime son Seigneur, ben Allah Azza wa Jal lui donne ses causes. Ainsi le serviteur revient vers Allah, se repent, Allah lui pardonne et lui redonne son amour. Et lui redonne son amour. Et une grande faïda qu'on avait étudiée lorsqu'on étudiait Al-Aqidatul Wasitiyya. Les savants disent que celui qui fait des péchés graves puis revient vers Allah, Allah Azza wa Jal lui donne son amour. Et dans Suratul Buruj, on cite l'histoire de qui? Hein? Ashabul Ukhdud, n'est-ce pas? Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabu al-hariq. Ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes, puis ne se sont pas repentis. Comment est-ce qu'ils ont éprouvé les croyants et les croyantes? Ils les ont contraints à sortir de l'islam. Et lorsque ces derniers ont refusé, ils ont creusé des tranchées. Ils ont creusé des tranchées qu'ils ont allumées de feu. Puis ils ont forcé les gens à entrer dans ce feu-là. Soit vous sortez de l'islam, soit on vous jette dans le feu. Et ils les ont jetés dans le feu en masse. Femmes, enfants, nouveau-nés, hommes, enfants, garçons, filles. Après tout ça, Allah Azza wa Jal leur fait Allah nous fait comprendre que s'ils se seraient repentis, Allah Azza wa Jal leur a accepté leur repentir. Et dans cette sourate, on nous dit, wa huwa al-ghafuru al-wadud. S'ils se seraient repentis, Allah Azza wa Jal, comme c'est al-ghafur, le grand pardonneur, il leur aurait pardonné. Et il leur aurait donné al-mawatta. Subhanallah al-azim. Et toi, le musulman, tu n'as pas commis ce que eux ont commis. Alors si tu reviens vers Allah, si tu te repens et délaisses les péchés, si tu observes le chemin d'Allah, qu'est-ce que tu pourrais espérer auprès d'Allah comme wud, comme amour, comme affection? Et les mots, comme a dit l'auteur, les mots ne sont pas assez forts pour pouvoir énumérer ce passage-là, pour pouvoir développer comme il se devrait ce passage-là, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. وَمِنْ كَمَالِ مَوَدَّتِي لِلتَّائِبِينَ أَنَّهُ يَفْرَحُ بِتَوْبَتِهِمْ أَعْظَمُ فَرَحْ يُقَدَّرُ. Parmi les choses qui nous montrent la perfection de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui se repentent, le fait qu'ils se réjouissent de leur repentir. Allah Azza wa Jal se réjouit du repentir du serviteur de la plus grande joie qui puisse être. وَأَنَّهُ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْ وَالِدِيهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Allah Azza wa Jal a plus de pitié et de miséricorde envers ses serviteurs que leurs propres parents, leurs enfants et l'ensemble des gens en ont pour eux. L'auteur rahimahullah ta'ala nous montre que parmi la perfection de l'amour d'Allah envers ceux qui se repentent, le fait qu'ils se réjouissent d'une joie immense du repentir de celui qui délaisse les péchés se repent. Et il a plus de pitié et de miséricorde envers eux que leurs propres parents, leurs propres enfants et l'ensemble des gens. Et celui qui parmi ses serviteurs rapprochés aime Allah, Allah Azza wa Jal sera avec lui. Allah Azza wa Jal l'assistera. Allah Azza wa Jal lui accordera la réussite dans ses mouvements. Allah Azza wa Jal lui accordera la réussite dans toutes ses affaires. Et il fera de lui un serviteur dont les invocations sont toutes exaucées. Comme dans le hadith Atam divin. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبضة نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته رواه البخاري. Dans le hadith Atam divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit, puis le shir cite un passage. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une action que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attrape ou frappe, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, alors je lui accorde. Et s'il me demande ma protection, je lui accorde. Et je n'hésite pas dans une chose plus que dans le fait de reprendre son âme, de reprendre l'âme de mon serviteur croyant. En effet, il déteste la mort et je déteste lui faire une chose qu'il n'apprécie pas. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ce hadith nous montre que celui qui préserve les obligations et ajoute les actions recommandées, ses invocations deviennent exaucées. Et il devient rapproché d'Allah Azza wa Jal. Allah lui accorde la réussite. Il utilise sa vue que dans ce qui plaît à Allah. Sa main que dans ce qui plaît à Allah. Son ouïe que dans ce qui plaît à Allah. C'est ça le sens du hadith. Je serai l'ouïe avec laquelle il entendra, la vue avec laquelle il verra, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui accorde la réussite dans tout cela. Il le préserve et il exauce toutes ses demandes. Et il y a des effets de l'amour d'Allah qui se répercutent sur ses serviteurs rapprochés et l'élite parmi eux d'une manière qui ne traverse même pas l'esprit du serviteur. Il y a des effets de l'amour d'Allah qui se répercutent sur toi, ô toi le rapproché d'Allah Azza wa Jal, d'une manière qui ne traverse même pas l'esprit du serviteur. وَلَا تُحْصِيهَا الْأَقْلَامِ. La plume n'arrive même pas à décrire cela. وَأَمَّا مَوَدَّةُ أَوْلِيَائِهِ لَهُ فَهِيَ رُوحُهُمْ وَرَوْحُهُمْ يَرُوحُهُمْ وَرَوْحُهُمْ وَحَيَاتُهُمْ وَسُرُورُهُمْ وَبِهَا فَلَاحُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ بها قاموا بعبوديته وبها حمدوه وشكروه وبها لهجت ألسنتهم بذكره. L'auteur رحمه الله حفظه الله تعالى nous dit: quant à l'amour, des serviteurs rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, quant à l'amour qu'ils lui portent, c'est leur âme, leur délivrance, c'est leur vie, c'est leur joie. De par cet amour, ils obtiennent la réussite. De par cet amour, ils obtiennent le bonheur. De par cet amour, il se lève en pratiquant sa servitude, son adoration. De par cet amour, il le loue, mentionne sa perfection. De par cet amour, il se montre reconnaissant envers lui. De par cet amour, leurs langues ont bougé. De par cet amour, il le mentionne et l'évoque. وسعت جوارحهم لخدمته وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة وبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه وجوارحهم عن مخالفته وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. Et c'est de par cet amour que leurs membres ont bougé à son service. De par cet amour que leurs membres se sont mobilisés pour se mettre au service d'Allah Azza wa Jal. Et c'est de par cet amour qu'ils se sont levés afin de mettre en pratique l'obéissance d'Allah. C'est de par cet amour qu'ils se sont levés pour s'acquitter de leurs devoirs divers. Et de par cet amour ils ont empêché leur cœur de s'accrocher à autre qu'Allah. Ils ont empêché leur cœur d'avoir peur d'un autre qu'Allah. De par cet amour, ils ont empêché leur cœur d'espérer en autre qu'Allah. De par cet amour, ils ont empêché leurs membres de désobéir à Allah. De par cet amour, tout ce qu'ils ont aimé, religieusement parlant, tout ce qu'ils ont aimé des choses de ce bas monde, des choses naturelles, et n'est venu que d'un amour qui vient après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'amour qu'ils ont pour autre qu'Allah ne fait que suivre l'amour qu'ils ont pour Allah. وَأَمَّا الدِّينِيَّ. Et dans le passage d'avant, je me demande si ce n'est pas une erreur. Au lieu de diniya, c'est plutôt الدُّنْيَوِيَّ. وَالطَّبِعِيَّ تَبَعًا لِهَذِي الْمَحَبَّةِ وَاللَّهُ عَلَمْ. وَأَمَّا الدِّينِيَّ فَإِنَّهُمْ لَمَّا أَحَبُّوا رَبَّهُمْ أَحَبُّوا أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وأحب كل عمل يقرب إليه وأحب ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. Quant aux choses religieuses, dès lors qu'ils ont aimé Allah leur Seigneur, ils ont aimé ses prophètes, ses messagers, ses bien-aimés, et ils ont également aimé toute œuvre pieuse qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont aimé tout ce qu'Allah a aimé comme moment, comme endroit, comme action et comme acteur. Comme moment, comme le mois de Ramadan. Comme endroit, comme Mecca, comme Al-Madina, comme la mosquée. Comme action, comme la salat. Et comme personne, comme ceux qui mettent en pratique cela. وَأَمَّا الْمَحَبَّةُ الطَّبِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ تَنَاوَلُوا شَهَوَاتِهِمُ الَّتِي جُبِلَتِ النُّفُوسُ عَلَى مَحَبَّتِهَا مِنْ مَأْكُلٍ وَمَشْرَبٍ وَمَلْبَسٍ وَرَاحَةٍ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى مَا يُحِبُّهُ مَوْلَاهُمْ. Quant à l'amour des choses naturelles, ou quant à l'amour naturel, et ce vers quoi naturellement les humains penchent, eux les ont utilisés, ils ont assouvi leur plaisir, leur désir, ces désirs vers lesquels l'âme de l'humain penche naturellement, comme le fait d'aimer tel repas, telle boisson, tel vêtement, tel repos, ben ces gens-là ont aimé ces choses-là du fait qu'elles les aident, du fait qu'elles les aident à faire ce qu'Allah aime. Et ils ont aimé ces choses-là comme Allah a voulu qu'ils les aiment ou qu'elles soient aimées. À titre d'exemple, il aime manger tel repas et il aime boire telle boisson, n'est-ce pas? Ça, c'est un amour naturel. Mais lui, ce serviteur qu'Allah a élevé au-dessus des autres, il va aimer tel repas, il va aimer telle boisson parce que ça lui permet d'accomplir la prière, ça lui permet de tenir une journée de jeûne, ça lui permet d'être fort pour adorer Allah Azza wa Jalla. Et il va aimer commercer avec son épouse et tirer le plaisir parce que ça lui permet de se préserver de la fornication. وَأَيْضًا فَكَمَا قَصَدُوا بِهَا هَذِي الْغَايَةِ هذه وأيضا كما فكما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله كلوا واشربوا ونحوها من الأوامر الترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب également. Ils ont visé ces plaisirs que l'homme aime naturellement en mettant comme intention le fait de se soumettre à l'ordre général d'Allah, kulu washrab, manger et buvez. Et d'autres textes qui nous mentionnent ce genre d'ordre et qui nous encouragent à tirer profit des choses permises, légitimes et différents repos et plaisirs de ce bas monde. Ainsi, la cause qui les a poussés à aimer certaines choses de ce bas monde est le fait de se soumettre à cet ordre général d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant au but général de l'utilisation de ces choses aimées, c'est le fait de céder, aller de tirer profit de ces choses-là pour être fort, pour faire ce qu'Allah aime comme adoration. فصارت عاداتهم عبادات وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. Ainsi, celui qui arrive à avoir ce genre d'intention, c'est-à-dire même quand il boit de l'eau, quand il mange, quand il fait des choses qui sont permises et qui n'entrent pas à la base dans l'adoration, du fait qu'ils ont cette intention-là, c'est-à-dire tirer profit des choses permises pour me renforcer pour l'adoration d'Allah et faire ce qu'Allah aime, le Cheikh nous dit, avec cette intention, leurs habitudes sont devenues des adorations. Leur temps tout entier est devenu une cause pour se rapprocher d'Allah. Un exemple, celui qui mange des choses halal, c'est permis et mubah. Le jugement c'est que c'est permis. Il n'a pas de récompense, ni de péché. Par contre, s'il mange en ayant pour intention de se renforcer pour l'adoration d'Allah, à ce moment-là, il se voit récompensé. Celui qui dort, c'est permis. Celui qui dort, c'est permis. Ni il n'a de péché, ni il n'a de récompense. À la base. Mais s'il dort en mettant pour intention de se réveiller en forme pour adorer Allah, à ce moment-là, il se voit récompensé. وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التعبد وأساس التقرب. Et tous ces effets de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces effets magnifiques, ces effets incommensurables, font partie des effets de l'amour qu'Allah azza wa jal, dont Allah azza wa jal nous a fait grâce. Tous ces effets font partie des effets de l'amour dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce. Ainsi on a pu l'aimer. Et cet amour augmente en fonction de ce qu'il y a dans le cœur. Cet amour augmente en fonction de ce qu'on a dans notre cœur et de l'amour qu'on a. Cet amour-là, c'est l'essence de la foi. C'est l'âme de la foi. C'est la réalité du monothéisme. C'est l'essence même de l'adoration. Et c'est la base par laquelle on se rapproche d'Allah. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها ولا في قدرها وآثارها ولا في لذتها وسرورها وفي بقائها ودوامها ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه. Donc tout cela est la parole d'Ibn Sa'di rahimahullah. Tout cela est la parole d'Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala jusqu'à ce passage-là. Il est à retenir que tout comme Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est semblable, ni dans son essence, ni dans ses attributs. L'amour que portent les serviteurs pour lui dans leur cœur n'a pas de semblable, n'a pas d'égal. Allah Azza wa Jal, rien ne lui est semblable. Et rien ne lui ressemble, ni dans son essence, ni dans ses attributs. Pas, il en est ainsi également pour l'amour qu'on trouve dans le cœur de ses serviteurs rapprochés. Il n'y a rien qui soit semblable à cet amour qu'il lui porte. Ni dans les causes, ni dans les buts recherchés. Ni dans la mesure, ni dans la portée, ni dans ses effets. Ni dans le délice, ni dans la joie que ça procure, ni dans sa régularité, ni dans sa continuité, ni dans sa pureté. Il en est ainsi donc de tout point de vue. وَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ بِأَنَّ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَدُودٌ يُحِبُّ أَوْلِيَاهَا وَيُحِبُّ مَنْ أَطَاعَ يَجِبُ أو يحب المؤمنين المتقين ويحب الصابرين المتوكلين ويحب التوابين المتطهرين ويحب الصادقين المحسنين ويحب جميع الطائعين ويحب ولا يحب الظالمين الكافرين ولا يحب الخائنين المسرفين ولا يحب المختالين المستكبرين فإنه يجب عليه يطيع أمره ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال ويتقرب إليه سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيه وحب ما يحبه من الأقوال والأعمال وحب كلامه سبحانه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته والاجتهاد في متابعته فبذلك تنال محبة الله. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وحب نعم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. رواه أحمد والترمذي. Pour finir, l'auteur nous dit: si le serviteur sait que son Seigneur est El-Wadud, celui qui est aimé et qui aime certaines choses, il aime les serviteurs pieux, croyants, il aime ceux qui lui obéissent, il aime les croyants, les gens pieux, il aime les gens endurants, ceux qui placent leur confiance en lui, il aime ceux qui se repentent et se purifient, il aime les gens véridiques, les bienfaisants, il aime tous ceux qui lui obéissent, mais il n'aime pas ceux qui sont injustes et dans la mécréance. Il n'aime pas ceux qui trichent, ceux qui trompent, ceux qui transgressent. Il n'aime pas les orgueilleux. Si tu sais cela, tu as l'obligation de lui obéir pour être aimé par Allah, de faire ce qu'Allah aime et agrée, de dire ce qui est bon, de faire ce qu'Allah aime, les bonnes actions, dire les bonnes paroles, pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et être aimé par lui. Tu dois aussi t'éloigner de ce qu'Allah n'aime pas. Tu dois t'éloigner de ce qu'Allah n'aime pas et te rapprocher de ce qu'Allah aime. Tu dois aimer sa parole, le Coran, pour être aimé d'Allah. Tu dois aimer son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa sunnah pour être aimé d'Allah. Tu dois faire des efforts pour suivre le prophète sallam. Comme ça, Allah va t'aimer. Le prophète, Allah nous dit dans le Coran, dans surat Ali Imran, selon la traduction des sens du verset, dit: si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Si tu veux qu'Allah t'aime, suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve « Et je te demande ton amour, et l'amour de ceux qui t'aiment, et l'amour de tout acte qui me rapprochera de ton amour. » Rapporté par l'imam Ahmed et l'imam At-Tirmidhi. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا حي يا قيوم يا ودود يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعلنا من اللهم املا قلوبنا حبا لك وتعظيما لك وخوفا منك ورجاء فيك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله.